avec toi nous serons. Nos idées, nos actions, les textes, nos chansons. Rappelle-toi de ce nom, nos idées, nos actions, les pièces de nos chansons. Nos idées, nos actions, les textes, nos chansons. Yo!